Quel genre de saison de motoneige qu'on va avoir le droit avec le COVID également? Ben, si je regarde la météo, c'est pas très beau pour la motoneige, en tout cas dans les prochains jours. On parle avec la présidente du club de motoneige de Dolbeau-Mistassini, Mme Marie Bérubé. Bon matin, Mme Bérubé. Merci, bon matin à vous aussi. Madame Bérubé, on est en temps COVID actuellement. À quoi s'attendre, évidemment, pour la saison de motoneige? Ça doit être assez difficile en général. Est-ce qu'on s'en met une bonne saison dans l'ensemble? Ben moi, je vous dirais, cette saison-là va être différente de tout ce qu'on a déjà vécu, parce que là, avec la Ben oui. COVID, on sait que là, il y a plein de mesures sanitaires. Les relais sont présents. Ils vont ouvrir après les fêtes, mais avec toutes sortes de consignes, etc. Si, le temps qu'on demeure dans la zone rouge, c'est sûr qu'il n'y a pas de bouffe qui est servie. Fait que c'est une autre façon de faire de la motoneige cette année. Je suis content qu'on est dans la zone rouge. Puis pour nous, la saison de motoneige, ben c'est sûr que là, la température Ben nous aide non, c'est pas. sûr, c'est pas. Tous les clubs, oui, mais tous les clubs présentement, ils ont surfacé. OK. C'est sûr que les secteurs où que tu approches, à l'approche des cours d'eau, tu les fais pas. Puis là, ben il y a beaucoup de monde qui veulent quand même. Il y en a qui traversent pareil. C'est téméraire. Ouais. Nous autres, quand c'est balisé, vous pouvez traverser, sinon ben c'est à vos risques. Ben oui. Oui, puis je voudrais rappeler la mémoire des gens que là, notre signalisation n'est pas toute installée parce que là, il manque de la neige et tout ça. Puis après ça, je voudrais que les gens aussi pensent que le sentier de motoneige demeurait dans le sentier de motoneige. Parce que là, hier, je suis allée rajouter des panneaux là, parce que les gens ils étaient débarqués dans le bleu-terre. Ça fait que là, on s'entend que les droits de passage, c'est un privilège qu'ils nous donnent. Fait que si on perd des droits de passage, ben il y a des grosses, grosses conséquences. Ben, c'est clair. Des fois, on peut même plus des fois, on peut même plus déplacer le sentier, là. Ouais. Fait qu'on s'entend que faut y aller. C'est ça. Faut avoir du civisme, demeurer. C'est sûr que là, la prudence est de mise parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Fait que la surface au sol, là, il peut y avoir des troncs d'arbres, des roches, n'importe quoi. Ça veut dire que. En principe, ben, tu peux te faire une petite sortie, mais avec beaucoup de prudence. Ah oui, c'est clair. Dites-moi, Madame Bérubé, est-ce que ça a freiné le membership, le nombre de membres qui en raison de la COVID? Parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de restrictions. Ça a dû, j'imagine, freiner le membership. Oui, nous, oui, parce que j'ai eu des gens qui m'ont téléphoné, puis eux autres, l'inquiétude, c'était parce qu'ils pouvaient pas aller, les relais n'étaient Ouais. pas ouverts comme d'habitude, tout ça. Fait que là, mais à date, si je me compare jusqu'au 9 novembre, 9 décembre de l'an passé, il se trouve à me manquer, j'ai moins 14 Ah, c'est pas si droits pire quand d'accès même. C'est vendus, pas si là. pire quand même. Je sais qu'il y a des clubs, je sais qu'il y a des clubs qui ont eu des augmentations. Il y en a qui en ont eu des grosses. Il y en a qui ont eu des grosses baisses aussi. Mais là, je me dis, gars, il y en a après le 9 qui ont commencé à en racheter, là. Fait que je me dis, on verra bien. Mais de toute manière, on est quand même content de que les motoneigistes nous encouragent, Ben là. oui, et dites-moi, du côté aussi des memberships, c'est moins 14, c'est pas quelque chose de dramatique aussi. Mais à part les relais, va-t-il y avoir d'autres mesures sanitaires également qui vont être, pense pas, là, qui vont être exigées? Non, ben là, il y a les relais. Ouais. Ça, là, nous autres, ça va être avec nos opérateurs. OK. On va. Il y a tout ça, là, mais à date, c'est pas mal les relais, tout ce qui se passe, qui va avoir plus de surveillance, tout ça, là. Je sais que cette année, j'ai parlé au coordonnateur, le sergent Ouellet. Okay. Puis lui, la sûreté vont faire beaucoup de patrouilles cette année. Ah, ok, pour éviter. Beaucoup, beaucoup de patrouilles. Oui, ils vont en faire de jour, ils vont en faire de soir. Il y a beaucoup, il y a une problématique aussi avec l'alcool au volant le soir. Ouais. Fait que cette année, il y a une grosse, grosse cordiale, mon Dieu, j'ai pas la misère à Coordination, une oui. Ouais. coordination avec le spectateur qui m'a dit qui vont patrouiller. OK. Dites-moi en terminant, est-ce que il va y avoir moins de touristes français, c'est sûr, certainement, dans les relais cette année, là, ça aidera pas, là. Non, non, non, non, c'est sûr que le touriste qu'on a d'habitude de français, puis après ça, du côté des Américains, c'est sûr que ces touristes-là, tu les auras pas. C'est sûr pour certains, pourvoirie, etc. Ouais. C'est sûr qu'eux autres, là, ça donne un bon coup, là, parce qu'il y en a beaucoup, c'est avec le touriste qui font leurs frais, là. Ouais. Fait que c'est ça. OK. Mais on est comme, on est tous, Ben oui, je veux tout. dire, comme on dit, on est pratiquement tous embarqués dans le même Ben oui, bateau, là. effectivement. Madame Bérubé, on va vous souhaiter une bonne saison quand même de motoneige malgré toute l'histoire du COVID et au plaisir de se parler. Ben, merci, Monsieur La Veilleux. Bonne journée à vous. Au présidente du revoir. club de motoneige, Marie Bérubé.